Unité 4, phonétique. Exercice A. Je déjeune à midi. Et toi, tu déjeunes à midi? Jean déjeune à midi. Jean et Sylvie déjeunent à midi.